feu s'allume au loin dans la plaine. Radersky Lav avance, les ombres s'éloignent. Le vent murmure une vieille rengaine. Le jour se lève, la lutte rejoint. Les caisses s'ouvrent, le butin s'empile. La team se lève, soudée et agile. Les murs se dressent, solides et fiers. Dans ce monde sauvage, chacun fait sa guerre. Les pas résonnent sur la terre battue. Le grind est dur, mais la foi continue. Les étoiles disparaissent dans le ciel. Radersky chante fidèle. La nuit s'efface, le combat grandit. Dans la forêt, la foi ne fléchit. Les voix s'élèvent dans l'air frais du matin. Unis, nous marchons vers le destin. Horizon de feu, le combat s'éveille. Radersky le guide, la team sans pareil. Chaque jour elle lutte, chaque nuit une prière. Dans eux, la survie éclaire la lumière. Nos voix résonnent au cœur de la forêt. Ensemble, toujours prêts à lutter. Sont tendus, la vigilance règne. Les ennemis approchent, mais rien ne freine. Le feu éclaire les visages déterminés. La team résiste, toujours soudée. Les bases tiennent, les murs protègent. Chaque victoire est une page écrite. Les cœurs battent en rythme sous la pluie, les voix s'élèvent portées par l'envie. Chaque bataille forge des liens solides. Dans cette forêt, la vie est splendide. Sous les étoiles, les alliances se scellent. Chaque frère veille, jamais ne chancelle. Le vent s'apaise, le silence s'étend. La flamme brûle, jamais elle ne descend. Radersky sourit, prêt à repartir. Dans ce sanctuaire, la lune va grandir. Les sabots frappent, la forêt gronde. Les voix s'élèvent, défiant le monde. Radersky mène, la team répond. Cette lutte, la victoire fond. Les bases tiennent, la guerre persiste. Dans ce monde sauvage, rien ne résiste. Horizon de feu, le combat s'éveille. Radersky guide, la team sans pareil. Chaque jour elle lutte, chaque nuit une prière. La survie éclaire la lune.